9, 14. Activation orale. Je. À la. Al. Au. Au. Transformé selon l'exemple. Vous entendez? Moi, j'adore la pelote basque. Et vous dites? Bon, d'accord. Jouons à la pelote basque. Eh bien, allons-y. 2. Moi, je préfère les cartes. Bon, d'accord. Jouons aux cartes. 3. Moi, j'aime bien la belote. Bon, d'accord. Jouons à la belote. 4. Moi, je préfère le bridge. Bon, jouons au bridge. 5. Non, le poker, c'est mieux. D'accord, jouons au poker. 6. Moi, je préfère les dames. Eh bien, jouons aux dames. 7. Non, les échecs, c'est plus intéressant. Bon, jouons aux échecs. 8. Oh non, les portraits, c'est plus amusant. Bon, d'accord, jouons aux portraits.